premier temps d'une série de La Fabrique de l'Histoire sur les heurts et les malheurs des héros, avant que la semaine prochaine nous nous intéressions dans une seconde série aux personnages plus ordinaires de l'histoire. Dans la première partie de cette émission, Fabrice Imbert, romancier, évoquera pour nous son personnage romanesque Tristan Rivière, élevé par son père, ouvrier et militant communiste, dans l'idée qu'il devait être un héros. Mais comment vivre en héros? Et entre les héros supposés de la Seconde Guerre mondiale et les héros d'une époque plus ordinaire, la différence, selon Fabrice Imbert, semble assez flagrante. Puis en deuxième partie de cette émission, Géraldine Bozek et Françoise Lantôme reviendront sur les contributions qu'elles ont livrées pour la deuxième édition d'un livre collectif important dont la première édition était parue en 2008 ou 2009, La Fabrique scolaire de l'histoire chez Agone. Elles y évoquent le rôle de l'histoire dans la construction des identités nationales en particulier et la place réservée à l'exemplarité héroïque dans l'enseignement de cette discipline. Удар, удар, еще удар, опять удар, и вот Борис Буткеев, Краснодар, проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот и я едва ушел. Вот апперкот, и я на полу, и мне нехорошо. И думал Буткеев, мне челюсть кроша. И жить хорошо, и жизнь хороша. При счете семь я все лежу, рыдают землячки. Стою, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силой берегу. Бить человека по лицу я с детства не могу, но... Думал Буткеев, мне ребра круша, и жить хорошо, и жизнь нехороша. В трибунах свист, в трибунах вой, а ту его он трус. Буткеев лезет в ближний бой, а я канатом жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырный они. И я сказал ему, чудак, устал, ведь отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хорошо, и жизнь нехороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу, быть в беде. Ведь бокс не драка, это спорт отважных и теле. Вот он ударил раз, два, три и сам лишился сил. Мне руку поднял рефери, который я не бил. Лежал он и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не шиша. Voilà, Vladimir Vysotsky, le boxeur qui pouvait être peut-être un des héros du père de Tristan Rivière. Bonjour Fabrice Imbert. Bonjour. Qui est Marcel Rivière, communiste, ouvrier communiste Citroën à Aulnay, qui est un personnage important, pourrait-on dire, de votre dernier roman « Comment vivre en héros » paru chez Gallimard. Et dans le boxeur, Vladimir Vysotsky, il cogne toujours costaud ce salaud-là, je vois que ça va mal tourner parce que la boxe, c'est pas la bagarre, c'est le sport des hommes valeureux. Fabrice Imbert, vous avez choisi de mettre la boxe au cœur de ce roman. Oui, la boxe, effectivement, est importante dans le roman. D'abord parce que je la connais bien, j'en ai beaucoup fait. Et puis aussi parce que ça peut être un symbole de l'affrontement, ça peut être un symbole de la vie, ça peut être un symbole des relations entre les hommes. Et puis pour le père de mon héros, au sens personnage principal, Marcel Rivière, la boxe, c'est effectivement un symbole de toutes les luttes sociales. Et de l'école du courage aussi. Et de l'école du courage, oui. Puisque ses enfants doivent être des héros, et en particulier Tristan Rivière, son dernier enfant. Voilà, et c'est Tristan Rivière qui est le héros en termes romanesques, pourrait-on dire, de votre livre « Comment vivre en héros ». C'est difficile pour lui de porter ce poids-là, de porter ce personnage de père, donc résistant, communiste pendant la guerre, ouvrier, qui ne veut faire aucune concession au capitalisme dans les années 70, 80, 90, et qui d'une certaine façon, est le témoin d'un monde qui s'en va. D'ailleurs, il le dit à un moment, son père, c'est toujours les malins qui gagnent, en parlant à son fils, tu as toujours été le plus malin, ils ont gagné, le mur est tombé et nous on a perdu. On regarde un beau mariage, le mariage de son fils Tristan avec une fille de la bonne bourgeoisie parisienne, nous sommes des invisibles, dit-il. Oui, effectivement, le père symbolise tout un monde qui s'en va, parce que c'est aussi bien les communistes que les ouvriers, toute une conscience de classe, toute une fierté, et puis aussi un monde industriel qui se transforme à grande vitesse, les usines d'Aulnay, par exemple. Alors tout vient dans ce roman d'un moment particulier. Le père veut donc initier son fils Tristan à la boxe. Son fils suit la demande du père d'une certaine façon, sans véritablement de passion. Mais il est assez passionné par son entraîneur, un certain Bouly qu'il aime beaucoup. Et il va avoir un geste que son père qualifie de geste de lâche, en l'occurrence, d'une lâcheté. Alors que Bouly se fait agresser dans le métro, il ne va pas venir au secours de son entraîneur. Et cela va marquer toute la première partie de ce roman, Fabrice Imbert. Ah oui, c'est vraiment horrible pour lui. Tristan doit être un héros. C'est vraiment la mission de sa vie, lui a dit son père. Et il est appelé Tristan comme le chevalier Tristan, donc il doit toujours être preux, héroïque, défendre les faibles. Il doit rencontrer son prénom et son destin. Voilà, exactement. Et à l'âge de 16 ans, alors qu'il s'entraîne depuis quelques années à la boxe, son entraîneur de boxe effectivement est agressé dans le métro par trois voyous. Et à ce moment-là, Tristan devrait intervenir, c'est vraiment son rôle, et en plus il aime Bouly, et c'est son entraîneur, c'est une sorte de père de substitution face à son père terrible. Et il a peur, il a terriblement peur, et donc les choses se passent devant lui, sans qu'il ait la capacité d'intervenir. Et au contraire même, c'est tellement dur qu'il s'enfuit tout le long des couloirs de métro. Alors quand on a été élevé dans une famille communiste avec un père comme le sien, qui a d'ailleurs pas simplement comme héros les grands héros du communisme, il a même plutôt Jean Moulin comme héros, ce père en l'occurrence. Évidemment, avoir un geste de lâcheté, c'est d'une certaine façon se dire que, comme le disait Pierre Bayard il y a quelques années dans un livre, aurais-je été résistant ou collaborateur, eh bien, on aurait été du côté des collabos pendant la guerre parce qu'on n'aurait pas su résister d'une certaine façon, Fabrice Imbert. Ah oui, oui, mais de toute façon, à l'échelle microscopique, toutes ces décisions sont en fait des choix de vie qui sont immenses et qui peuvent se répercuter à d'autres périodes de l'histoire. C'est vrai que un homme qui abandonne son ami agressé, on peut se demander ce qu'il ferait dans des événements historiques plus importants. En fait, c'est toute une attitude de vie qui est emblématisée par ces moments, qui sont des moments de choix, de décision, mais c'est une décision qui s'impose à vous. Et là, Tristan aimerait vraiment faire autre chose, mais voilà, il ne peut vraiment pas intervenir, il en est incapable, et donc effectivement c'est toute la conception de l'héroïsme de son père, né pendant la guerre, qui s'effondre avec ça, et toute l'idée que Tristan a de lui-même. Alors, votre roman, c'est un jeu romanesque aussi, puisque vous partez du principe que nous avons tous des choix possibles, et donc vous tentez, en tous les cas, à plusieurs moments de ce roman, d'imaginer les choix qui peuvent s'offrir à nous, ou en l'occurrence à votre personnage Tristan Rivière, dans un moment particulier où il faut prouver ou montrer que l'on est, disons, plus grand que ce que l'on croit être, Fabrice Imbert. Oui, c'est le moment du choix, effectivement, de la décision qu'on doit prendre et qui engage toute la vie. Une décision en 38 secondes, dis-je à plusieurs reprises dans le livre. C'est-à-dire, c'est rattraper cette erreur d'origine. Oui, oui, oui. Parce qu'ensuite, Tristan, effectivement, aurait tant aimé intervenir que, en fait, la même décision va se présenter à lui 10 ans plus tard. Et cette fois-ci, il est dans un wagon de train. Et c'est une jeune femme qui entre dans le train. Et cette fois-ci, elle est agressée par toute une bande de voyous. Et il se demande ce qu'il doit faire, ou plutôt ce qu'il va faire, ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il doit faire. Et il a 38 secondes pour se décider. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs possibles qui s'offrent à lui. Ou bien résister, ou bien s'enfuir, ou bien ne rien faire. C'est tout ça qui va engager sa vie. Voilà, il deviendra donc à partir de ce moment-là, avec des petits tirés entre les mots Tristan le héros, pour celle qui va devenir sa femme, mais aussi pour sa belle famille, y compris tous ceux qui sont autour de lui. Et d'une certaine façon, il va re-raconter sa propre histoire de façon différente, mais aller réenvisager de façon plus large, pourrait-on dire, la place des héros, parce que ce personnage-là, ça n'est pas n'importe qui, ce Tristan, il a fait de la boxe, mais il est devenu professeur d'histoire. Mmh. Et il a une vision de l'histoire qui est assez particulière, sur laquelle on pourrait peut-être s'arrêter, puisque pour lui, dans l'histoire, dans la grande histoire, avec une grande hache, comme aurait dit Pérec, tous les héros de l'histoire sont des tueurs, dit-il. Et donc, il se pose la question de savoir comment être à la hauteur d'un statut de héros sans être un tueur. Oui, parce qu'en fait, tous ces héros sont des mythes qui sont très importants, je pense, à la fois dans l'existence des hommes et des sociétés. Et ce sont des mythes fondateurs. Donc, il y a les grands mythes de la mythologie grecque. Il peut y avoir aussi des mythes historiques tout à fait positifs. Hein. Par exemple, effectivement, Jean Moulin est pour le père de Tristan un mythe positif, c'est-à-dire que c'est une personnalité absolument noble et pure. Bon, à vrai dire, moi j'ai beaucoup de fascination pour Jean Moulin, et surtout pour un geste de Jean Moulin que j'ai mis tel quel dans le livre. Bah, qui est le geste inaugural. Qui est le geste inaugural, et exactement le protocole des Sénégalais, donc qui accuse les Sénégalais. C'est donc les nazis qui viennent d'occuper justement la sous-préfecture dans laquelle se trouve Jean Moulin en tant que sous-préfet, et qui veulent que Jean Moulin leur donne les soldats sénégalais qui ont participé à la résistance, enfin à la résistance, à la défense de la France, ce que refuse de faire Jean Moulin. Oui, il refuse de le faire, et il doit simplement signer un papier en fait, accusant les Sénégalais, et ce papier, il refuse de le signer, et pour ne pas le signer, il se tranche la gorge. Et je trouve vraiment ce qui explique dans les photos, oui, les premières photos de Jean Moulin, le foulard blanc qu'il a autour du cou. Oui, exactement. Et je trouve que c'est un acte d'une pureté inouïe, c'est vraiment la vérité, il faut dire la vérité. Et en fait, j'ai une vraie fascination pour ces actes qui sont de l'héroïsme pur. Mais à rebours, il y a les grands héros de l'histoire qui sont au fond des mythes créés par les sociétés parce qu'ils en ont besoin, créés aussi par une propagande. Et effectivement, les plus grands héros historiques sont avant tout des tueurs pour Tristan, et après on peut évidemment discuter de ça, mais c'est ce qui le porte, c'est l'idée que finalement César, Napoléon, Charlemagne sont quasiment divinisés dans l'histoire des hommes, mais en réalité ce sont des êtres qui ont passé leur temps à tuer et à faire tuer les autres. Oui, effectivement, ça n'est pas très éloigné ce que dit Tristan dans votre roman de ce que disent certains à propos du déboulonnage possible de statuts de grands héros de l'histoire de France qui ont évidemment leur côté noir. Alors voilà donc ce personnage doté d'un savoir historique, donc Tristan Rivière est doté d'un savoir historique, il doit l'enseigner à des classes difficiles dans la petite ville de Vinteuil, donc qui se trouve donc aux environs d'Aulnay-sous-Bois. Là, c'est un pied de nez à un autre Marcel, en l'occurrence, que vous faites, qui n'est pas Marcel Rivière. Et puis ensuite, eh bien, on voit que ce personnage va s'inventer une vision de ce que doit être un héros positif, pourrait-on dire. Une âme pure, parce que il y a les âmes faibles, dit-il, il y a les âmes fortes, et entre les âmes faibles et les âmes fortes, il y a les âmes pures, et il prétend pouvoir incarner, lui, ou défendre cette idée qu'il faut mettre au pouvoir des âmes pures, Fabrice Imbert. Ah oui, il aimerait absolument être ça, c'est-à-dire que toutes les leçons de son père, toutes ses déconvenues, l'ont amené à penser que il faut absolument être pur. Et effectivement, c'est un être qui est animé par toute une mythologie de la force, de la pureté. L'âme faible, en fait, c'est celui qui succombe, pas tellement une faiblesse physique, une faiblesse intellectuelle, mais une faiblesse morale, celui qui n'est pas capable de courage. Et lui, il s'est cru longtemps une âme faible, et donc il aimerait vraiment être une de ces âmes courageuses, il aimerait entrer dans cette mythologie. Et effectivement, ensuite, il va lire toute la société à la lumière de ces âmes pures ou de ces âmes faibles. Oui, alors tout de même, il aura d'autres déconvenues. Il va découvrir que son père n'est pas le héros de la résistance qu'il croyait. Et cela, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit Fabrice Imbert derrière, évidemment, ce roman se pointer. C'est celui qui, effectivement, se pose des questions sur ce statut de l'héroïsme et de l'histoire qu'on nous raconte. Vous l'avez dit vous-même, on est plus dans le mythe que dans le réel quand on s'intéresse à ces questions héroïques. Et vous dites que Marcel, le père de ce Tristan Rivière, comment vivre en héros? Marcel était un résistant courageux, il était un lâche. Tout était contradictoire, tout était aléatoire. Donc, il y a du relativisme qui rentre chez vous d'un seul coup. Bah, disons que la narration de l'histoire à grands traits peut être une narration héroïque. Mais enfin, l'histoire, au jour le jour, est assez frappante dans l'aléa, dans la difficulté, dans les tourments. Vous y allez fort quand vous dites que l'Europe a été créée par des bandes armées, des hommes s'emparent du pouvoir et ensuite une idéologie conforte ce pouvoir par des théories, des représentations. Enfin, en gros, vous dites quoi? Qui tient l'histoire? Qui tient la plume tient l'histoire, d'une certaine façon. Alors ça beaucoup, mais en même temps, comme je suis tout le temps dans l'ironie, dans le livre, j'affirme à peu près rien. Mais Tristan se demande beaucoup de choses, effectivement. Et cela dit, en fait, cette réflexion, elle vient de l'opposition entre la littérature, entre donc ce qu'on peut lire dans les chansons de gestes, que je trouve toujours très intéressant et dont Tristan est un des exemples. Et puis ensuite certains textes de Duby que j'avais lus dans ma jeunesse sur la vérité des chevaliers. Mmh. Et cette opposition m'avait tellement frappé. Elle a ressurgi ici dans ce livre. Vous parlez peut-être dans la bouche de Julie, la fille donc un peu cynique de Tristan Rivière, qui dit « La littérature, et surtout le roman, est une machine idéologique désespérée. Elle tente de rappeler au corps social des idéaux de pureté qui n'ont plus cours et n'ont en fait jamais existé. » Oui, oui, oui. Alors ça, c'est l'approche marxiste, c'est l'approche de Lukács, par exemple. Oui, c'est l'idée que le roman est là pour parler de la pureté à une société corrompue. Et c'est vraiment beaucoup ce qui se passe pour Tristan, qui aspire tellement à la pureté. Hein. C'est un personnage qui est assez drôle parce qu'il est plein d'aspirations à la pureté tout en étant capable du plus grand opportunisme. Mais néanmoins, il aimerait tellement que tout soit pur et beau. C'est un personnage qui est à la fois naïf à certains moments et d'autres fois un peu trop rusé pour être vraiment pur. Mais effectivement, c'est quand même ça, effectivement, un des centres du livre, c'est cet affrontement entre la volonté de pureté de certains personnages et puis un monde qui, par définition, n'est pas forcément corrompu, mais est corrupteur et beaucoup plus complexe que la simple pureté. Oui, et tout de même avec une idée assez biblique de la faute originelle que l'on retrouve un peu partout dans votre roman. Les héros ne sont peut-être tels que parce qu'ils ont commis une faute qu'ils passent toute leur vie à réparer, dites-vous, à un certain endroit de ce comment vivre en héros, Fabrice Imbert, ou encore cette belle tirade de Marcel en Tristan, Marcel le père, Tristan le fils, puis de Tristan et Marie, les enfants, enfin le Tristan le fils et sa femme, en Julie et Alexandre, leurs enfants, une même conception de l'héroïsme contraint chacun, comme si de génération en génération, les rivières devaient affronter la malédiction d'un mensonge originel. Entre destin, hasard et personnalité propre, chacun se contorsionne dans son époque, elle-même héroïque ou ridicule, en portant ce poids sur son épaule. L'époque est plus ridicule qu'héroïque, d'après ce que on voit dans votre roman, et en particulier les années 90 d'une société dérégulée, pourrait-on dire, qui n'a plus de de boussole, c'est un peu effectivement ridicule tout cela. Alors, d'abord sur le péché originel, je dirais que ça c'est un peu malgré moi, et vous avez tout à fait raison, il y a plusieurs reprises ce péché originel, tout à fait. Ça c'est un peu malgré moi, je comprends que ça ressurgit de livre en livre, il y avait plusieurs personnes qui avaient dit que le mot chute était vraiment le mot le plus courant. L'origine de la violence. Ouais, voilà, exactement. Donc, effectivement, il y a cette espèce de péché originel dans ce que j'écris. Et sinon, sur l'époque, c'est sûr que Tristan est orphelin de l'héroïsme aussi, parce qu'il a été élevé... Orphelin de l'héroïsme. Alors, je pense qu'on est tous orphelins de l'héroïsme, et qu'en même temps, on est, pour l'essentiel, très content de ne pas avoir à être des héros. Enfin... Personnellement, en tout cas, c'est quelque chose que je ressens assez fort, c'est-à-dire que toutes les périodes historiques terribles suscitent des héros, mais en même temps, je suis assez content de ne pas vivre dans ces époques terribles. Oui, mais il y en a un autre qui est plutôt mécontent de ne pas vivre dans ces époques terribles, il s'appelle Emmanuel Macron, quand il dit au Point la semaine dernière « Notre pays ne propose en effet plus de héros, pourquoi des jeunes de banlieue partent-ils en Syrie ? Parce que les vidéos de propagande qu'ils ont regardées sur Internet ont transformé à leurs yeux les terroristes en héros, parce qu'ils ont le sentiment de découvrir à travers cette propagande une cause qui répond à leur soif d'engagement ». Etc., etc., et qui fait dans cet entretien au Point, il pense qu'il faut être plutôt du côté de la France de Lafayette que de la France de Pétain, et il assume l'héritage en particulier de Louis XIV dans cette grande histoire de la France. Oui, je suis très content que vous ayez relevé cette interview qui m'a frappé aussi. Effectivement, c'était tout à fait au cœur des interrogations de mon roman. C'est quand même assez frappant. Bon, pour être honnête, j'ai trouvé ça sympathique, en fait, cette espèce d'aspiration à la grandeur. Je ne sais pas si Emmanuel Macron et Tristan Rivière, c'était assez saisissant quand on a écrit un roman sur comment lire un héros, de lire une interview qui en plus doit faire 15 pages, où en filigrane, il y a une aspiration à l'héroïsme et à la grandeur. Il faut expliquer qu'il y a des héros en France, des génies et des gens qui s'engagent au quotidien, etc., etc. Alors évidemment, la question c'est qu'est-ce qu'on met derrière ce terme de héros, parce qu'il est héros. Exceptionnel, et il y a ce qu'on appelle des héros ordinaires. D'une certaine façon, Tristan Rivière serait plutôt du côté des héros ordinaires. Oui. Et en fait, vous savez, ce qui est curieux, c'est que j'ai un petit peu de distance vis-à-vis des héros exceptionnels célébrés par l'histoire. Et je n'aime rien tant que l'acte pur, dissocié de toute conscience historique. Et alors, ma libraire de l'avenue de Versailles... m'a raconté une anecdote à New York, et pour moi c'est ça en fait l'héroïsme pur. Donc c'est à New York il y a une dizaine d'années, une femme est sur le quai et elle trébuche et elle tombe au moment où la rame de métro arrive, et quelqu'un se précipite sur elle et la couche tout au fond de la voie du métro, et le métro passe au-dessus de deux. Et pour moi, c'est vraiment de l'héroïsme pur. C'est vraiment c'est même pas les 38 secondes, c'est la seconde, voilà, où on s'est offert à l'autre, en quelque sorte. Et c'est vraiment d'un éclat de courage et d'une fulgurance que je trouve extraordinaire. Vous devriez être figurant dans le dernier film de Clint Eastwood qui tourne à Paris ces temps-ci, vous savez, sur les fameux héros du TGV, du Thalys, ceux qui ont empêché l'attentat de se dérouler, les terroristes de faire un massacre dans le TGV. J'avoue que pour le coup, je pense qu'il faut vraiment le faire, pour être honnête. C'est effectivement un comportement héroïque. Oui. Françoise Lantôme, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous au téléphone, vous êtes historienne, spécialiste d'histoire de l'éducation et de l'histoire en particulier, de son enseignement. Vous êtes professeur des universités à Lyon 2 et vous avez en particulier fait un grand travail en commun avec un grand historien canadien qui s'appelle Jocelyn Letourneau. C'était l'année dernière, qui s'appelait Le récit du commun, le récit de l'histoire nationale par les élèves. Et vous participez avec beaucoup d'autres à l'ouvrage dirigé par Laurence de Coq aux éditions Agone qui s'appelle La fabrique scolaire de l'histoire avec une préface de Suzanne Citron. Justement, je voulais vous mêler à cette discussion sur les héros avec un romancier qui parle beaucoup d'histoire mais qui est un romancier pour essayer de comprendre pourquoi cette question du héros revenait de façon lancinante, pourrait-on dire, depuis si longtemps dans la question de l'enseignement de l'histoire. Parce que tout compte fait, on pensait s'en être débarrassé peut-être dans les années 70 de cette question des personnages mythiques, héroïques de l'histoire de France. Et puis on voit que, eh bien, ça ne passe pas d'une certaine façon, Françoise Lantôme. Alors peut-être qu'on peut dire déjà, c'est que les héros présentés par l'enseignement de l'histoire n'ont pas toujours été les mêmes. Je me suis intéressée particulièrement à la façon dont on a enseigné l'histoire de la colonisation et de la décolonisation de l'Algérie. Mmh. Et on voit bien qu'au cours du XXe siècle, on est passé de héros qui étaient surtout des explorateurs, des missionnaires pour l'enseignement catholique, des bâtisseurs, des militaires, Bugeaud, Gallieni, Lyoté, qui étaient vraiment présentés comme des héros de la colonisation. Ce que l'on trouve sur le mur de gauche du musée de l'immigration aujourd'hui, ancien musée des colonies, voilà, en l'occurrence. C'est ça. Et si on prend par exemple des manuels scolaires ou des entretiens que j'ai fait avec des enseignants dans les années 90, on voit bien que ce ne sont plus du tout ces personnages-là qui sont présentés comme de potentiels héros. D'ailleurs, l'idée même de héros a vraiment disparu. Dans un manuel de 1900 pour les cours moyens, par exemple, il était indiqué un acte héroïque qui eut en France un grand retentissement surexcita le courage de notre armée. Mmh. 123 hommes commandés par le capitaine Lelièvre furent cernés dans la ville de Mazagran par 12 000 Arabes. Bon, je ne lis pas la suite, mais ce type même de façon de raconter a complètement disparu dans l'enseignement de l'histoire, particulièrement concernant l'histoire de la colonisation et de la décolonisation. Mmh. Il y a aussi un autre point, c'est qu'il y a de nouveaux types de héros qui sont apparus, mais qui ne sont pas des héros individuels, qui sont plutôt des groupes, et qu'on ne désigne pas tant par des actes hors du commun, que par le fait qu'ils sont dans une position de victime. Les colonisés sont présentés désormais comme des victimes. Mmh. Les rapatriés ou pieds noirs, qui étaient pendant longtemps des empêcheurs de coloniser en rond, on peut dire, sont désormais présentés comme des victimes dans les manuels scolaires à partir des années 80. Donc il y a une évolution de cette façon de présenter les héros dans les cours d'histoire. Et du côté des élèves, c'est encore autre chose. Ouais, on va y revenir avec vous. Nous sommes également avec Géraldine Bozek. Bonjour Géraldine Bozek. Bonjour. Vous êtes donc vous aussi, vous participez à ce livre donc collectif qui s'appelle donc La fabrique scolaire de l'histoire pour sa deuxième édition, puisqu'il y avait déjà eu une première édition à la fin des années 2000, et vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à Nice Sophia Antipolis, et vous avez travaillé vous dans cet ouvrage sur l'histoire au service de l'éducation civique, et je pense qu'il est important de dire combien effectivement la particularité d'un enseignement de l'histoire en France qui mêle la géographie et l'instruction civique donne justement à l'enseignement de l'histoire une sorte de particularité qui est de se dire qu'il faut faire passer des valeurs, entre guillemets, par l'intermédiaire de l'enseignement de l'histoire, Géraldine Bozek. Oui, alors ce qui est intéressant pour revenir un peu sur ce que disait Françoise Lantôme, c'est que on a toujours cette dimension civique qui est attribuée aujourd'hui à l'enseignement de l'histoire. Ça, c'est plutôt une permanence, hein, une continuité par rapport à ce qu'avait pu être l'enseignement historique sous la Troisième République, mais elle a complètement changé de nature. Il ne s'agit plus d'enseigner la nation, l'amour de la patrie et l'amour de la République. Mais l'amour des droits de l'homme, des choses comme cela. Exactement, c'est-à-dire que ce sont des messages civiques qui vont bien au-delà de la nation et qui s'ancrent davantage sur la démocratie, la valeur des libertés, des grands principes politiques, les droits de l'homme, etc. Et donc on n'a plus cette place centrale qui était accordée aux anciens héros patriotiques dans le récit traditionnel de l'histoire à l'école. Mais d'où une difficulté tout de même que vous pointez, puisque vous avez fait une enquête auprès des professeurs donc de CE2, CM1 et CM2 à l'école primaire. Vous avez même fait deux enquêtes à une dizaine d'années d'intervalle et qu'effectivement, on voit bien la tension qu'il peut y avoir entre la volonté, par exemple, de faire passer un message universel et humaniste auprès des élèves de primaire par l'intermédiaire de l'histoire et de l'instruction civique. Et en même temps, peut-être, dans la société, une envie aussi de continuer à valoriser un idéal patriotique. Et les enseignants sont entre les deux demandes, d'une certaine façon. Une demande de l'institution et une demande de la société qui ne va pas forcément dans le même sens. Oui. Alors, une demande de la société, en fait, c'est plus compliqué, hein, puisque ça fait l'objet de controverses. Voilà, c'est ça. Ça fait l'objet de controverses régulières entre acteurs politiques, intellectuels, etc. Et donc, voilà, ce sont des conflits, des débats qu'on a à peu près depuis la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, des discussions très vives. Les enseignants, eux, sont quelque part plus clairs, c'est-à-dire que on trouve très très peu d'enseignants qui disent clairement que l'histoire a encore pour finalité de faire aimer, de faire en sorte que les enfants aiment leur nation. On n'entend pas ce type de discours chez les enseignants. En revanche, ils sont un peu en porte-à-faux, puisque j'ai travaillé sur l'enseignement primaire, hein, donc c'est un petit peu moins vrai du secondaire, mais si on regarde l'histoire telle qu'elle est enseignée, l'histoire dans les manuels, dans les programmes scolaires, etc., et du coup aussi dans les classes, c'est une histoire qui reste assez hexagonale. Et donc, il y a une tension entre cette volonté d'ouvrir les horizons des enfants sur le monde, sur les droits de l'homme, etc. Et de l'autre côté, une histoire qui continue quand même d'apprendre aux enfants avant tout à appartenir à une nation qui a une histoire singulière. Oui, alors tout de même, vous dites à la fin de votre article dans l'ouvrage collectif La Fabrique scolaire de l'histoire, dirigé par Laurence de Kock, vous dites que il faudrait peut-être se poser la question de se débarrasser, dites-vous, débarrasser l'histoire de la charge affective, morale, civique qui demeure la sienne aujourd'hui. En tout cas, vous ne dites pas qu'il faut le faire, mais vous vous posez la question de savoir s'il faudrait le faire, en l'occurrence Géraldine Bozek. Oui, mais j'y réponds un petit peu aussi. Je pose la question et j'y réponds un petit peu ensuite. C'est-à-dire que je pense que, en tout cas pour ce qui est de l'école primaire, ça n'est pas possible puisque les enfants s'emparent beaucoup de l'histoire en ces termes-là, hein, c'est-à-dire qu'ils ont un rapport émotionnel, un rapport moral à l'histoire. Et les enseignants, de leur côté, ce ne sont pas des spécialistes de l'histoire, ce ne sont pas des historiens. Très très peu, en fait, ont fait des études d'histoire. Et donc la manière dont ils donnent sens à l'histoire, c'est aussi de la charger un petit peu de fortes significations civiques, morales, etc. Et quand bien même ils se montreraient plus historiens, ils sont constamment ramenés en classe à ce type d'interprétation de l'histoire, c'est-à-dire que les élèves s'en saisissent de cette manière et posent des questions sur l'histoire qui renvoient sans cesse au présent et à ces enjeux moraux du présent. Avant de redonner la parole à Françoise Lantôme, je crois que Fabrice Imbert voulait intervenir, lui qui était notre invité de première partie. C'était juste une réaction. Je me demandais comment il était possible de débarrasser l'histoire de toute cette charge. Enfin, en réalité, c'est même totalement impossible, puisque même si on veut le faire du côté de l'émetteur, de toute façon, en tant que récepteur, imaginez. Enfin, l'histoire des hommes, c'est quelque chose de totalement invraisemblable, et que de toute façon, chaque micro-événement de l'histoire est porteur d'une charge affective et morale, en quelque sorte, mais un peu comme tout ce qui nous arrive dans la vie. La simple conscience face à l'histoire, c'est une conscience qui réagit, en quelque sorte. Je vois pas comment vous pouvez parler d'une histoire neutre, en tout cas du côté du récepteur. Géraldine Bozek. Oui, je pense que effectivement, c'est une histoire est toujours porteuse quelque part de leçons. Mais c'est plus que du coup, les enseignants sont parfois, ce que j'explique un petit peu dans cet article-là, sont parfois amenés à avoir un discours quasi anachronique sur le passé. Donc, je raconte par exemple une anecdote que j'ai observée en classe. Donc, c'est une enseignante qui lit un texte de Montesquieu favorable à l'esclavage et des enfants en face qui ne font pas très bien pour l'enseignante. La différence entre ce que lit l'enseignante et ce qu'elle peut penser, voilà, et donc notamment des enfants d'origine africaine qui interpellent l'enseignante en disant mais c'est horrible, etc. Et donc elle se trouve à un moment obligée de prendre elle-même position pour dire qu'elle-même n'est pas d'accord avec ce que peut dire Montesquieu. Vous voyez, donc on est dans des situations qui sont de cet ordre-là. Donc l'histoire en classe, ça n'est pas simplement une histoire, c'est aussi de toute façon directement aussi une éducation morale et civique avec des questions très vives qui émergent. Oui, Françoise Lantôme, effectivement, en vous lisant, on comprend, et en lisant le travail que vous avez mené avec Jocelyn Letourneau, que la volonté de ceux qui pensent qu'il faudrait, faire en sorte que l'histoire soit la plus critique possible, qu'on donne des outils les plus critiques possibles aux jeunes élèves et en particulier au collège ou au lycée pour qu'ils deviennent des citoyens conscients de ce qui est en train de se passer, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre d'une certaine façon. C'est ce que font beaucoup d'enseignants et on les salue pour cela, mais c'est difficile à mettre en œuvre parce que tout autour, effectivement, il y a un bruit médiatique, ne serait-ce que la déclaration de Emmanuel Macron dans Le Point de la semaine dernière qui va un peu à l'encontre de tout cela, Françoise Lantôme. Alors, l'enquête que nous avons conduite, qui nous a permis de travailler sur près de 6000 récits d'élèves, sur comment ils racontaient l'histoire de leur pays, puisque c'était pas seulement en France. Oui. Et pour parler uniquement des jeunes Français, ils sont en fait pénétrés d'histoire, ils adhèrent, ils critiquent aussi, ils sont très engagés dans ce récit historique. Ils parlent du « nous », ils parlent du « je », ils incluent parfois des personnes de leur famille, en parlant d'avocats, leurs grands-parents notamment. Donc il y a ce rapport affectif dont il était question avant, et très fort, en France en tout cas, par rapport à l'histoire. L'autre point est que, effectivement, les élèves ne tirent pas leur enseignement de la seule école. Et que ce soit par les médias, que ce soit par des pratiques sociales et les modes de socialisation des jeunes maintenant, il y a bien d'autres sources de savoir historique, à commencer d'ailleurs par la famille, puisque c'est ce qu'ils disaient dans l'enquête, c'est qu'une des premières sources de leur enseignement, de leur connaissance plutôt, en dehors de l'école, c'était la famille. Donc c'est ce mélange d'informations un feuilletage, qui sont reçues par les élèves. C'est un feuilletage, pourrait-on dire, effectivement. On est à la fois de son temps, du temps de ses parents et de ses grands-parents qui vous racontent l'histoire, et tout cela constitue la vision que l'on a de l'histoire de son propre pays ou de l'histoire du monde. Voilà, les élèves, en fait, essayent de donner du sens à la réalité qu'ils vivent en construisant un récit qui est fait de toutes ces informations, tout en ayant parfois des raccourcis historiques assez saisissants ou des omissions très fortes aussi, mais il y a un sens qui est donné à leur récit de l'histoire nationale. Et c'est ce sens-là qu'ils construisent à partir des sources de connaissances extrêmement diverses, même si l'école reste la principale source. Géraldine Bozek, je crois que vous devez nous quitter malheureusement, question du travail toujours, l'ouvrage remis toujours sur le métier est quand même assez passionnante, c'est-à-dire que il y a d'un côté une histoire savante qui avance, qui met en place des outils critiques, qui met en place une vision justement déconstructrice parfois des histoires nationales et des romans nationaux, et on voit bien qu'il est difficile parfois de l'appliquer dans les classes, et vous le disiez vous-même, en particulier dans les plus petites classes de l'enseignement. Oui, mais c'est aussi dans les programmes que ça évolue parfois assez peu, enfin dans les programmes moins, mais si vous regardez par exemple les manuels, il y a un certain nombre de pesanteurs également. Et il y a des choses qui sont assez étranges, hein, qu'on trouve encore dans les manuels. Donc je vous donne un seul exemple. Bien sûr, on ne parle plus des Gaulois comme étant nos ancêtres dans les manuels. Néanmoins, la figure des Gaulois est encore très présente et dans certains manuels scolaires, y compris récents, on trouve encore une description de la Gaule comme étant un pays, voire un pays riche. Hein, donc, c'est vous dire quand même, là c'est une erreur historique. Hein. Donc, il y a ces pesanteurs qui sont liées à un récit qui vient de plusieurs décennies. Au moins du 19e siècle, c'est sûr. Voilà, exactement. Et donc, on trouve encore parfois dans les leçons en classe ce genre de description parce que tout simplement c'est présent dans les ouvrages pédagogiques qui sont très récents. Voilà. Le panthéon des héros scolaires ne s'est pas non plus totalement élargi, les femmes en sont quand même encore singulièrement absentes, même si on essaye d'inclure davantage les femmes dans le récit historique. Par exemple, si vous prenez des manuels récents, on peut constater que la figure d'Olympe de Gouges, qui était complètement inconnue de tous les élèves il y a encore peut-être une dizaine d'années, est aujourd'hui assez présente dans un certain nombre de manuels et donc est rentrée dans ce panthéon des héros scolaires. Mais ça évolue quand même assez lentement. Hein, merci. C'est ça qui est frappant. Merci beaucoup, merci Géraldine Bozek. Nous restons avec nos deux invités, Fabrice Imbert et Françoise Lantôme, pour conclure cette émission. C'est tout de même une des questions qu'on peut se poser, c'est la force de ces récits du 19e siècle encore à l'œuvre aujourd'hui, Françoise Lantôme. Tout compte fait, le travail mis en œuvre par Louis-Philippe dans son musée de l'histoire de France, cherchant à raconter une histoire, et par les historiens du début du 19e siècle qui réconciliaient à la fois l'héritage d'une révolution qui ne serait pas la révolution jusqu'à la terreur, et en même temps l'héritage des rois et de la monarchie. Il y a encore beaucoup de cela qui demeure dans nos enseignements et dans la tête de nos contemporains, Françoise Lantôme. Oui, alors on peut s'interroger justement sur la persistance de ce récit. Et il est intéressant de se tourner du côté de travaux parfois plutôt anthropologiques qui s'intéressent à l'intérêt même du récit pour des petits de l'homme, en quelque sorte, pour entrer dans le monde. Et le récit est une façon de s'approprier le monde, et le récit historique est une forme de récit comme une autre, avec ses propres critères, bien sûr, de validité. Mais les élèves ne suivent pas toujours ces critères de validité, mais ils en font eux-mêmes un récit qui leur permet de s'approprier le monde et de trouver leur place dans le monde. Vous voulez dire que les grands récits construits par les historiens et les hommes politiques autour de l'histoire de France, par exemple, au 19e siècle, étaient tellement structurés, ont tellement structuré plusieurs générations de Françaises et de Français que, eh bien, la déconstruction a du mal à aller jusqu'à son terme, parce que il y a encore ces grands récits mythologiques qui sont dans la tête de chacun. Alors, il y a en partie de ça, mais je pense d'abord que ce récit, il n'est pas à l'identique. Si on regarde un peu plus dans le détail, c'est très intéressant. Ça, oui. Ces récits ont bougé aussi. Oui. Hein. Et par exemple, quelque chose qui, comme je le disais tout à l'heure, ce sont plus les mêmes héros, entre guillemets, qui sont mis en avant. Bien sûr. Les élèves, pas un seul élève ne cite Bugeaud, Gallieni ou Lyoté. Ou Bayard. Bayard non plus. Bayard, c'est fini. Oui. Guesclin aussi, ça a disparu. Oui. Par contre, le héros des élèves, vraiment celui qui ressort dans leur récit, c'est le peuple. Donc, vous voulez dire que nos élèves sont micheletistes ou micheletiens, c'est ça? Ah ben, ils le sont plus, effectivement, parce que même s'ils citent beaucoup les rois, Louis XIV, Napoléon, Charlemagne, Louis XVI, bien sûr, mais en termes de groupe collectif historique, c'est le peuple qui arrive en premier, c'est lui qui est sur le devant de la scène, et d'une façon d'ailleurs très homogène. Les élèves ne rentrent pas dans les distinctions sociales ou autres. Donc la conception de l'héroïsme, j'ai envie de dire, elle est devenue plus collective peut-être que celle du 19e siècle. Sur ce point, Fabrice Imbert, pour réagir à ce que vient de dire Françoise Lantôme. Oui, je trouve ça très intéressant est très vrai et vous prêchez un convaincu sur l'importance de la narration dans les sociétés et dans les vies. Dans mon roman, effectivement, Tristan s'interroge beaucoup sur ses récits nationaux. Il s'interroge aussi sur les récits mythologiques. Hein, et puis, je dois dire aussi que le couple que forment Tristan et Marie est un couple qui se bâtit un récit avec un événement fondateur qui est celui de l'agression et puis ensuite de l'attitude courageuse de Tristan. C'est-à-dire que ce soit une société ou que ce soit un homme, nous lisons le passé à la lecture d'un certain récit qui nous construit, qui est cohérent et qui est tout à fait essentiel. Et donc, vous avez tout à fait raison, hein, c'est tout à fait le cas pour les élèves. Mais prenez un vieil homme à la fin de sa vie, il va tout à fait se construire aussi un récit qui sera la mythologie de sa propre vie et ce sera l'autobiographie. Il suffit de lire les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, on ne trouvera rien de mieux comme mythologie de soi. Françoise Lantôme, une société n'est pas non plus un être, c'est un être vivant, mais un être vivant collectif et qui est bousculé très fréquemment, soit par des révoltes, soit par des révolutions. Et effectivement, tout cela, toute cette actualité joue sur la relecture du passé, Françoise Lantôme. Alors, effectivement, tous les événements importants de l'histoire jouent sur la relecture. Si on prend, par exemple, la décolonisation, cela introduit un trouble, en quelque sorte, dans la narration historique scolaire. Et au bout d'une dizaine d'années, il y a eu un nouveau récit qui s'est construit dans les instructions officielles, mais aussi dans les manuels et dans les pratiques des enseignants, qui, en quelque sorte, a permis de raconter différemment l'histoire de la colonisation au regard de connaissances historiques, mais pas seulement, au regard aussi de l'actualité du moment. Et la colonisation a été perçue et racontée de façon beaucoup plus critique qu'auparavant. La décolonisation a été expliquée d'une façon différente, d'ailleurs, selon les moments, mais toujours en mettant l'accent sur l'injustice ou les inégalités fondatrices du système colonial qui finalement ne pouvaient aboutir qu'à la décolonisation, avec une espèce de vision assez inéluctable d'ailleurs et déterministe de l'histoire. Donc on voit bien que des événements forts remettent en cause le récit historique qui est fait à la fois dans la science d'ailleurs, mais aussi dans l'école. Et c'est la grande vertu justement de cet ouvrage, La fabrique scolaire de l'histoire, auquel vous avez contribué, donc Françoise Lantôme et Géraldine Bozec, sous la direction de Laurence de Coq, de nous montrer justement par le travail de terrain combien ce que l'on croit fixe est généralement plus mouvant qu'on ne l'imagine, avec une préface de Suzanne Citron, c'est aux éditions Agone. Rappelons que la réédition aux éditions de l'Atelier du grand livre de Suzanne Citron, Le mythe national, L'histoire de France revisitée, date d'il y a avant l'été, donc en l'occurrence, et vous pouvez vous le procurer en poche, en l'occurrence. Alors nous continuerons demain notre série consacrée aux heures et malheurs du héros, à propos d'un héros un peu oublié aujourd'hui, dont on célèbre pourtant l'anniversaire de sa mort. Il était tombé en plein ciel de gloire, comme on disait de lui. Il s'agit de Georges Guynemer, un extrait du documentaire de Victor Massé d'Épinay et Anne Fleury, qu'on écoutera demain dans la Fabrique de l'Histoire. Lorsque Guynemer arrive dans son escadrille au printemps 1915, il est accueilli par des aviateurs qui ont 35 ans. Donc il y a une vraie différence d'âge. On l'appelle le gosse. On l'appelle le gosse, le môme fil de fer. Donc pas très épais. Il a des yeux assez perçants, un petit peu globuleux, mais voilà, il a un regard bien particulier. Voilà, je pense que c'est ça, Guynemer. On voit son visage partout dans la fresque parce que l'armée donc va autoriser les journalistes à venir l'interviewer et surtout va fournir des clichés photographiques à tous les titres qu'ils désireront. Donc en fait, c'est l'armée qui donne les photos et vous avez dans tous les titres, hein, la presse nationale, la presse magazine, le Petit Parisien par exemple qui tire à l'époque à 1 million d'exemplaires. 1 million d'exemplaires. Tous les titres français et internationaux font des reportages sur Guynemer avec sa photo. Et donc, c'est ainsi qu'il va rentrer dans les foyers, dans tous les foyers de France. La notion de chevalier du ciel est quelque chose qui procède d'une reconstruction. En fait, le pilote de chasse efficace, c'est un tueur, tout simplement. Ils le disent eux-mêmes, hein. René Fonck dit qu'il est un tueur. René Fonck, c'est le plus grand as de la guerre de 14, celui qui a le plus de victoires homologuées. Et qu'est-ce que c'est qu'un tueur ? Eh bien, c'est quelqu'un qui attaque son adversaire alors que celui-ci ne s'y attend pas. Et donc, cette notion d'assassinat, il faut le prendre avec les guillemets qui conviennent, mais c'est l'idée, c'est de ne jamais se mettre en situation de combat réellement dans lequel on serait finalement à armes égales. Mieux vaut surprendre l'adversaire et tromper sa vigilance. C'est pour ça qu'on a des pilotes qui élaborent des tactiques du type de finalement se faire oublier dans le ciel et pour fondre sur leur proie. Et là, dans ce cas, le SPAD est souverain. Voilà pour cet extrait du documentaire que vous pourrez entendre demain dans La Fabrique de l'Histoire. Il est signé Victor Massé de Lépinay et Anne Fleury. Georges Guinemer, l'héroïsme à ciel ouvert. Nous concluons avec vous, avec qui nous avons ouvert cette émission, Fabrice Imbert, pour Comment vivre en héros, votre dernier roman publié chez Gallimard. Cette émission sur les heures et malheurs des héros. On racontera combien on a oublié aujourd'hui le grand héros créé par l'armée française qui était Georges Guinemer. En l'occurrence, vous racontez l'histoire de Tristan Rivière, qui était un professeur devenu maire de sa ville et qui va, disons, trébucher sur la rénovation de son centre-ville. Il n'y a pas de centre-ville à Vinteuil. Est-ce qu'il y aura une place des héros, selon vous, une fois qu'il aura réussi la rénovation du centre-ville de sa ville de banlieue ? Oui. Là, je crois qu'on ne peut pas s'en passer, il y aura une place des héros. Et il y aura qui comme héros sur cette place des héros ? Comme Georges Frêche à Montpellier avait décidé de mettre des statues aussi bien de Lénine, de Mao que de Gaulle et de Churchill, qu'est-ce qu'il y aurait comme statue ? Alors comme figure historique très pure, j'ai déjà cité Jean Moulin, mais je crois qu'en face de cette figure, il faudrait trouver absolument un anonyme, quelqu'un que personne ne connaît et qui a fait un acte héroïque très pur. Et je suis absolument persuadé qu'il y en a beaucoup. Et en fait, je vais finir avec une référence qui n'est pas très noble, mais dans mon enfance ou mon adolescence, je ne sais même plus, il y avait une émission où des gens racontaient des événements extraordinaires qui les avaient sauvés. Mmh. Et je sais pas, par exemple, je crois que... C'était pas Clara Candiani ? Je me souviens plus du tout. Qui racontait justement des actes héroïques du quotidien, un peu comme oui. On pouvait raconter ceux qui avaient aidé l'abbé Pierre au tout départ. Ben, y avait même une femme qui racontait qu'elle avait été sauvée lorsqu'elle avait failli se noyer. Et elle voulait retrouver l'homme qui l'avait sauvé. Oui. Et en fait, ces actes héroïques que je trouve très beaux, j'aimerais bien qu'on en parle sur la place des héros. Jean Nohain, effectivement, faisait aussi une émission de ce type-là à la radio et à la télévision peut-être même. Comment vivre en héros, votre roman, Fabrice Imbert, vient de paraître chez Gallimard. Je le conseille absolument. C'est un roman tout à fait jouissif et très intéressant à lire. Merci. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, mais aussi pour ceux qui aiment votre écriture, qui est tout à fait légère et en même temps un peu ironique. Merci encore. Merci. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marseille, Francesca Fossati, Myriam Guillot nous a accompagnés à la technique et Anne Franchini à la réalisation. Et remercions nos confrères de Radio France à Rennes qui ont accueilli chez eux Géraldine Bozek.